Yeah. Je grandissais comme ça, ne off à bourse pas, me faire plus d'argent. Meuf, c'était du vent, mais j'assiste pas, y'a trop de crise en moi. Notre méthode, c'était de faire du genre jusqu'à la mort. Réfléchis trop l'autre, l'affaire, c'était malin. Être un vrai, pas être une tateuse, comme les autres lèches, je businessais. Nous, on carnageait, on se faisait un bâton par jour, on avait la santé, ça sentait. Jean Blanc des Pascal Blaise, c'était la vie, caille de quartier qu'on menait. Pour le regret, y'avait pas de place, tu sais, si on se faisait pécho, mineur, cachon sortait. Après y'a eu l'islam frère, donc plus de business, une vie saine, intime, dans le jean, oui on avait changé. Personne nous comprenait, contre le ghetto en guerre, nous-mêmes contre nous-mêmes, et plus de mensonges. Tout le monde en confiance se comportait comme quelqu'un de bien respecté. Vous savez, devenir un homme, yo les voyous devaient devenir des hommes. L'été grand temps, grand maintenant, temps de changer. Trop de morts par cam, yo vois tout ce qui s'est passé. Petit frère tu sais, on a vécu donc on sait. Yo frère de quartier, officiellement NAP. Si loin, pourtant si proche de vous. On ne peut pas revenir sur ses pas, on ne vit qu'une fois, je veux dire ici bas, mais le nom de ceux que j'aime ne s'efface pas, reste au fond de moi, même loin de moi. Ailleurs en 88 on a décidé de faire du rap. Fallait qu'on raconte qu'on mette cette vie, on recevait des claques. Moussa Boa, mais Aïssa, Karim Bilal et Mohamed. Écoute l'histoire de Renoir Drabza qu'on grandit dans les poubelles. Cet art est devenu pour nous une catharsis. Notre premier disque avait l'odeur de la sueur et de la pisse, yeah. On est rentré dans le show business avec le cœur, tu sais. Refrain, on n'a jamais oublié d'où l'on venait. On n'a jamais renié le funk, les jeans serrés, les stans. Faire des amas, t'es malade. Y'a trop de frères en dans leurs cellules qui nous soutiennent. Et tous les quartiers à travers la France, c'est pareil. J'ai une pensée pour tous les frères qui sont morts pour rien. Je me souviens de Jumpers qui m'a dit, vous irez loin. Et si ça marche, Inch'Allah, on fera la vie. Je remercie José, Nadir et Sully. On ne peut pas revenir sur ses pas, on ne vit qu'une fois, je veux dire ici va. Mais le nom de ce que j'aime ne s'efface pas, reste au fond de moi, même loin de moi. Je me souviens la première fois je l'ai vue, elle était si belle. Moi j'étais fidèle à mon image. L'expérience est un tout, l'amour pour moi c'est pour les fous. Les vraies valeurs dépendent en fait du cœur. Ma philosophie, vrai amour n'est pas d'ici. L'amour, la foi, décrit par Razali. Mais est-ce qu'elle mérite des représailles? L'effort que j'ai fait sortir du ghetto, je souffre trop, Dieu aide-moi. Je voudrais tant être avec elle, ensemble on serait si fort. Réfléchis à ce que sera notre vie. L'islam dit, prie de croyants qui se marient. Mais c'est souvent le sentiment vrai qui divise les avis. C'est ainsi, je voudrais tellement être compris, douleur je ris. Ma vie est une tragédie, je te remercie. Je t'aime tellement, tu sais. Et si on y croit fort, Allah Qadr, cool liché. On ne peut pas revenir sur ses pas, on ne vit qu'une fois, je veux dire ici va. Mais le nom de ce que j'aime ne s'efface pas, reste au fond de moi, même loin de moi. On ne peut pas revenir sur ses pas, on ne vit qu'une fois, je veux dire ici va.